1. Carlos est brésilien, Amanda est brésilienne. 2. Lars est danois, Eva est danoise. 3. Javier est espagnol, Amalia est espagnole. 4. Takeshi est japonais, Mitsuko est japonaise. 5. Trunkien est vietnamien, Lanan est vietnamienne. 6. Yazid est marocain, Sharifa est marocaine.